Rorum top attitude. J'ai pris tant de glyphosate que je titube. Donc les médecins voient juste ne pas réanimer et une signature tatouée sur le torse du monsieur. Qu'est-ce qu'ils font? Bah d'abord, ils le retournent pour vérifier que sur le dos, il n'y a pas un autre tatouage qui dit « Je déconne, les gars, réanimez-moi, hein. Sérieux ou quoi ?» Le serment d'Hippocrate, etc. Allô, je dis ça, je dis rien. Genre jeu de piste de tatouage avec en dessous de l'aisselle écrit « Le premier qui me réanime, mes fans de Vianney, sous le scrotum. » Là, vous faites du zèle, mais continuez à chercher, c'est rigolo. Jojo est parti et Robert trouve sa vie plus petite, pile depuis mercredi matin. Il se dit qu'on a tous quelque chose en nous de rétréci. Et comme tous les Français, j'aimais vraiment Johnny, et c'est pourquoi, pour cette chronique, Charline, pour cet hommage, j'ai décidé de ne pas être payé. Alors je prends mon contrat du jour, il est là, Charline, et je le déchire. Ouais, Pablo, ça c'est le contrat de Guillaume que vous venez de déchirer, puis en plus c'est le contrat de la saison. Là. Oui, je sais, Charline, je sais. D'après l'Express, Emmanuel Macron aurait dit devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée que l'audiovisuel public, c'est la honte de la République. Et c'est une des rares fois où Macron et Mélenchon sont d'accord. Alors Hollande a demandé à Obama, c'est vrai que tu prends 400 000 pour tchatcher 3 fois 20 minutes, tout en pensant dire que moi je suis à 15 euros les 7 jours et qu'en 6 mois j'ai juste eu comme proposition l'animation du loto du club des anciens de Tulle, c'est pas juste. Alors, mais c'est un business, Nagui. Par exemple, Clinton, hein, ouais. 50 Shades of Bill, depuis qu'il a quitté la Maison Blanche, a engrangé 63 millions de dollars rien qu'en conférence. Donc en fait, président, c'est juste un stage. Alors, par contre, j'insiste sur un truc, 1 million, c'est sans option, parce que qu'est-ce qu'on peut avoir sur le bateau? On a des spas à l'intérieur des bateaux, des piscines à débordement, ça se fait beaucoup aussi maintenant. On peut mettre des sous-marins, 1, 2 hélicoptères, ça se fait. Voilà. 2 hélicoptères, on peut mettre sur un, ça dépend, sur un bateau. S'il y a une grosse partie sur le bateau et qu'il faut amener pas mal de monde et que tout le monde veut aller vite d'un point à un autre, voilà, on peut avoir 2 hélicoptères. Il y a un côté pratique. Ouais, je ne sais pas si la raison principale est la praticité de la chose, mais en tout cas... Est-ce que c'est pas la frime? Je pense que c'est humain, en fait. Oui, ouais, bah bien sûr, c'est humain. Hein. L'humain, s'il peut foutre 2 hélicos sur un bateau pour aller chercher des curlis, il le fait. Hein. C'est humain. Papa Noël, tu m'offres de si belles choses. Tu mets des petits cadeaux dans mes choux cette année. Donne-moi une petite bagousse. Tu ressembles à mon père, j'ai des daddy shoes. Père Noël, Noël. Numéro 1, une de mes blagues préférées pour égayer une soirée qui a mal commencé. Celle-là, elle est pour tout le monde. Alors, vous pouvez la faire en visuel, on va faire une version radiophonique. C'est un monsieur qui rentre dans une boulangerie et qui dit « Bonjour madame la boulangère, s'il vous plaît, j'aimerais un... » à la crème. Et la boulangère, elle dit « À la crème ?» Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.